Et tu vis de ça. De sorte que tu vis de ton esprit. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu peux plus être philosophe. Tu peux plus croire à l'extérieur. Parce que l'intelligence, plus tu entres dans un cycle nouveau, plus l'intelligence va détruire les forts. L'intelligence détruira toujours les forts. Dans un ou l'autre. Pardon? C'est ça. Être intelligent sur le plan matériel, c'est d'être bien dans sa peau. Quand t'es bien dans ta peau, t'es intelligent sur le plan matériel. T'as de la volonté qui t'amène à être bien dans ta peau. Autrement dit, quand t'es bien dans ta peau, dans le sens occulte, dans le sens voilé que je le parle, pour des gens qui peuvent comprendre, automatiquement, t'es obligé de vivre tes trois principes. T'as pas de choix. C'est ça qui te permet d'être bien dans ta peau, parce que tu vis les trois principes, tu ne vis plus intellectuellement et émotivement. Si on prend le processus d'arrivée d'énergie qui est l'enfant, elle fait ça genre de 7 ans où il y a une possibilité de contact avec les lumières. Cette énergie-là, elle fait 7 ans, là, elle peut être intelligente. Ouais, c'est quoi le but? À 7 ans? Si le corps mental est prêt, tu dois le savoir. Entre 0 et 7 ans, le corps mental n'est pas développé, il faut que tu aies un radio. L'énergie, il faut qu'elle se manifeste dans un radio, il faut qu'elle fasse vibrer quelque chose. La raison, c'est un autre niveau d'organisation de cette énergie-là. Mais il y a un point que je veux développer à cette heure que j'ai tué à la forme de l'âme, il faut que j'explique quelque chose. Parce qu'il y en a qui vont me revenir avec ça tout à l'heure. Quand tu viens au monde, j'ai déjà dit quand tu viens au monde, que l'âme arrange, j'ai dit d'abord, l'avortement, c'est de la viande. J'ai dit, l'enfant, c'est quand tu viens enfant, viens au monde, quand tu commences à respirer, que l'âme descend. Si l'âme n'existe pas, on remplace un. Mais c'est pas fini. Si l'énergie a descend, quand l'enfant commence à respirer, qu'est-ce qu'elle faisait avant qu'il respire? Elle est en attente. Elle est en attente. Alors, qu'est-ce que c'est qui prenait soin du corps dans le vent de la main? L'énergie de la main. OK. C'est celui. C'est la main. Ouais. Ouais. Mais il faut que je l'analyse, l'affaire. Parce que si tu détruis une forme, cette forme-là sert à comprendre beaucoup de choses, comme l'affaire de l'art. C'est ça qu'on peut aussi. Fait qu'il faut retourner un petit peu en arrière. Mais au début, là, on est à quoi? Au début. Ouais. Il y avait l'ego, il y avait l'âme, il y avait l'esprit, l'acheteur de pensée. Là, l'âme est partie, l'acheteur de pensée, il avait pensé que tu avais de s'en aller. Ouais. Mais, si tu as des meubles dans ton salon, je t'en enlève un petit peu de temps en temps, mais je peux pas t'en enlever tout d'un coup. Comprends-tu? Oui, oui. Mais il va venir un jour, il va pouvoir être enlevé tout d'un coup. On enlever l'émotion, pourquoi tout enlever? Oui. Pourquoi on ne peut pas enlever l'émotion? Parce que l'émotion fait partie de votre mémoire. Si vous étiez en fusion, vous n'aurez plus d'émotion. Vous n'aurez plus de mémoire. Fait qu'à ce moment-là, vous seriez dans l'esprit, dans l'intelligence. Puis à ce moment-là, ben, vous pourriez enlever tous les meubles dans le salon tout d'une shot, vous en souffririez pas. Ouais, mais vous pouvez pas enlever l'émotion, c'est petit à petit que ça sort au cours de votre expérience. C'est pas. C'est ça. C'est ça, exactement. L'émotion nourrit l'ego. C'est ça. Il n'y a plus besoin d'être nourri. La seule chose qui nourrit, c'est l'intelligence. C'est un autre type de nourriture. Donc, on n'a rien à faire avec ces émotions. Votre émotion, elle se transforme au fur et à mesure que vous avancez.